simple silence, mélodie triste, ensorcelante, perforatrice, qui me rappelle à mes souffrances, ma vie, mes tourments. Ça a été compliqué de faire preuve de lucidité sur mon passé et me retourner sans rougir et sans regret, sans fléchir des conneries ou des fautes passées, celles qui ont blessé tour à tour les gens qui m'ont aimé. J'ai pas tout contrôlé, enfermé dans une réalité qui m'échappait. Je regrette l'image j'ai fait transparaître, je voulais pas. Trop de fois, je me retrouve seule à pleurer face à moi. Dans ces moments-là, je suis lucide, mais ces histoires ont failli me rendre frigide. J'ai toujours eu la rage pour faire des trucs de fou, mais j'ai jamais vraiment eu le courage pour appeler au secours. Je vois les gens différemment, j'ai changé, canalisé ma violence en encre. Le rap et l'écriture comme thérapie enivrante. Ma vie pleine de rebondissements qu'on analyse après coup. Ma vie une violence sans dialogue après les coups. Un enchaînement de trucs fous et insolites qui t'aurait rendu n'importe qui alcoolique. Mais lucide sur la gravité de mes erreurs et super lucide sur l'origine de mes terreurs. Je pleure avec rancœur, 7 heures ratées, manquées, marquées au cœur par ces horreurs. Je te jure j'en meurs dégoûté de tant de haine en moi, un petit bout de femme instable, stable puis instable, mais au fond t'inquiète pas, tu m'as côtoyé, tu m'as dit que tu me connaissais pas, mais remercie-moi plutôt d'avoir épargné ces démons-là. Un hommage mais pas de bougie, mettez-moi du bon rap, y'en a qui savent, ceux qui claquent, attends j'allume ma pète et je passe à autre chose. Lucide, lucide quand il s'agit de faire la part des choses. Écoutez mon rêve à moi, c'est de plus rêver, je veux arrêter de cauchemarder, je veux plus me coucher. C'est mon vécu qui m'a baisé, mais laissez-moi dormir, je distingue plus le jour et la nuit, ni mes amis, ni mes ennemis. Tu sais pas ce que c'est toi, est-ce que j'ai eu cette discussion ou pas? On est arrivé à la gueule d'Al Pacino dans Insomnia, j'arrive pas à dormir et ça, je suis lucide, oui oui, je suis lucide sur mes envies d'en vomir un morceau, sur ce que j'ai été, morceau, sur ce que je voudrais être, la vérité, morceau, sur ce que je suis en fait.